Toujours à la même occasion, se sont déroulés meetings de célébration, séminaires, banquets et expositions de livres et de photos au Bangladesh, en Bulgarie, en Grande-Bretagne, au Tchèque, en France, au Congo démocratique, en Égypte et au Sri Lanka. Dans les salles de cérémonie, étaient exposées les photos sur la noble vie révolutionnaire et les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que celles du maréchal Kim Jong-un dans ses activités révolutionnaires, les œuvres classiques des grands hommes baekdesan, livres et photos présentant la Corée Chutse en plein essor. Y ont participé les personnalités de diverses organisations politiques et sociales et établissements, ainsi que des habitants des pays hôtes. Lors des cérémonies tenues en Bulgarie, en Grande-Bretagne et au Congo démocratique, on a adopté les messages et lettres de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.